Thank you. Oh, feu, viens de bataille, gars, les viades en flanche. Pour lui casser les pattes, toutes les cartes sont blanches. Tous les drapeaux noirs, tous les chapeaux blancs, mon blanc. Y'a pas de bureau pour nous dans leur château de merde. Cavalier du froid, que les femmes accompagnent, viennent les gérer. Les archives, les bâtiments de pique, les yeux rougis, les yeux d'amour, alors d'une seule fois. Le feu, le vent, les yeux diamants, alors d'une seule fois, je crie. Le monde n'a rien à dire, le monde n'a rien à dire. Le feu, le vent, les yeux diamants, alors d'une seule fois, je crie. C'est l'os de fer de le dessert qui sort des yeux, des yeux diamants. En force de faire des regards blancs, en force de l'or, parce qu'on est cigarettes dans la nuit pour le colorer. Je vais pas m'apparaître en plein dans leur économie, bim. Pour moi, donc, ils vont pour les dégommer. On a plus peur du noir, même en autonomie. Que des cigarettes, quelques feux de joie pour le colorer. Ouais, je peux pas me sentir libre si les potes triment. Quelques cris d'angoisse pour le décorer. Refuse de pâlir, de faire l'hologramme. Tous les cavaliers rouges dans la gueule du loup. Pour casser des pouces, pour faire tomber leur tour, leur bouffe, kaiju. Des steppes débarquent à leur port. Pour le bordel de la toundra jusqu'à leur fort. On débarque, c'est leur chrono. Faire péter les geôles et les barreaux. Drapeau noir sur le bateau. Quelques âmes en plus ne seraient pas trop. Où qu'on aille, les ruines nous suivent. Ils nous parlent que de bosser, on est tous sourds depuis. Face à l'orage, comme fou ne fuit. On a tous perdu notre âme là où la goume se puise. À 16 dans les geôles du roi. Je donne pas une semaine pour qu'on sorte de là. Face au cadavre, maton, on m'a sorte de marbre. Le feu sur leur château, leur portera. Le feu sur leur château, leur portera. Yeah. Thank you. Yeah. Suivante.